Nous allons passer au dernier film d'animation que j'ai décidé de rattraper. Je ne sais pas pourquoi, j'avais surtout envie de rattraper l'animation, alors que j'en ai vu pas mal déjà cette année. Mais... Ah bah je l'ai pas encore vu, je sais de quoi tu as parlé. Mais voilà, nous allons parler... Parler d'une petite coccinelle. Oui, c'est ça. Nous allons parler de Miraculous, le film... Et t'es en train d'imaginer Edwy Plenel sur Thriller, dit OKXV. Honnêtement, je demande à voir. À la limite, je veux bien prendre Usul qui imite Edwy Plenel sur Thriller. Bonne nuit. Et bonne nuit, Boudin Rouge. Alors demain, je ne fais pas de live, mais bonne nuit quand même. Et effectivement, si tu rattrapes demain, à demain. Donc nous allons parler de Miraculous, Ladybug et Chat Noir, le film réalisé par Jérémy Zag, scénarisé par Jérémy Zag et Bettina Lopez Mendoza, avec une musique de Jérémy Zag également, et les voix de Anouk Aubois, Lou Jean, Benjamin Bolen, Elliot Schmitt, Antoine Thomé, Marie Ninanmaker et Cerise Calixte. Donc ça constitue... 22 du coup. Pardon ? 22 Vlaël Schmitt. C'est le nom de famille de quelqu'un qui est sur le chat. Hein. Écoute, je ne suis pas censé savoir ces informations-là. Donc, Miraculous, c'est l'adaptation de la série éponyme. Et il n'y a pas besoin d'avoir vu la série. D'ailleurs, moi, c'est pas du tout mon cas. J'ai jamais regardé. Il paraît que c'est une origin très story. Bien. En fait, ça, oui, c'est ça. C'est une origin story. Donc, ça reprend le début de la série. Je ne sais pas si c'est l'équivalent de la saison 1 ou un peu moins. Bon, ça m'a bien donné envie de voir la série en tout cas. Ça nous raconte l'histoire de Marinette, une jeune fille assez maladroite qui devient Ladybug, la Miraculous Coccinelle, donc chargée de protéger le monde. Il y a clairement un aspect très shoujo shonen hein, avec le pouvoir de la création, c'est leur monde dans l'esprit, très magical girl. Tandis que son crush, Adrien, devient lui chat noir. Et ils vont lutter contre des monstres qui attaquent Paris sur les ordres du papillon, qui est le père d'Adrien, qui ne se remet pas de la mort de la mère, donc de son épouse à lui et de la mère d'Adrien. Globalement, c'est bien. Vraiment, c'est naïf, c'est pas follement original, parce que voilà, ça joue beaucoup sur les codes du shoujo et du shonen. À plein de niveaux, des fois il y a des dialogues qui du coup sont un peu too much dans le côté cucu et explicatif, c'est dommage. Les chansons sont pas ouf, c'est dommage, enfin c'est surtout les paroles qui sont pas ouf musicalement, pourquoi pas. Donc voilà, mais à côté de ça, bah déjà c'est quand même régulièrement drôle, en fait, principalement parce que les persos de Marinette et d'Adrien, dans leur et donc de Ladybug et Chat Noir, dans leur synergie sont vraiment drôles. Donc ça, c'est toujours plaisant à suivre. L'animation, c'est pas l'animation du siècle, mais elle est vraiment sympa. Je trouve qu'il y a une direction artistique qui fait vraiment bien le taf. Ouais. Tout joli, moi, je trouve. Ouais, oui, c'est joli. C'est vrai, c'est bien. Les combats sont chouettes, ils sont bien rythmés, ça profite bien. La leçon du film, c'est un peu apprendre à se battre ensemble, et c'est plutôt bien exploité, en fait, dans les combats. Globalement, cette nécessité de se battre à deux. Donc c'est un chouette petit film, j'ai passé un moment très agréable devant sans être révolutionné. C'est vrai que ça donne surtout envie de découvrir la série, ou qu'il y ait des films futurs qui prennent un peu plus longtemps, leur temps, parce que là ça veut quand même faire beaucoup de choses en même temps, il y a pas mal d'éléments d'origin story à poser. Mais voilà, si on n'est pas trop cynique, si on garde son âme d'enfant, je trouve qu'on se laisse bien emporter en vrai. Ok. Alors, il y a un truc qui m'a sorti du film, mais c'est pas entièrement de sa faute, c'est qu'dans la scène de coup de foudre entre Ladybug et Chat Noir, qui est filmée de manière un peu parodique, la musique qui est placée, c'est Careless Whisper de... alors, je sais pas si c'est Wham ou si c'est Lionel Richie seul, mais tu vois ce que c'est, Careless Whisper, comme chanson ? Non, pas du tout. La la la la la la la. Là, ah, là, là, là. Donc moi, j'imaginais des histoires. J'imaginais qu'il y a le Miraculous du hamster qui va débarquer et faire des trucs crânes. Mais ça, c'est pas de la faute du film. D'ailleurs, elle était aussi dans Ninona comme chanson, mais dans une scène purement comique. Donc ça allait de m'imaginer des mecs qui se prennent des hamsters dans le cul. À ce moment-là, c'était moins gênant. Ça niquait moins l'ambiance, quoi. George Michael, pourquoi j'ai dit... Oui, George Michael, en plus, oui, carrément. Donc voilà, je vais classer le film, hein, je vais pas plus insister que ça dessus. Il est où? Il est là, Miraculous. Je vais le mettre dans le bien, voilà, avec le haut du bien, on va dire, c'est feel good. Ok. Et donc, pour finir sur un film, ça va être le dernier pour aujourd'hui, on ne va pas finir le mois de juillet parce qu'il est ultra chargé, il en reste plein. Il me reste 2 pages en juillet, quasiment. Puis nous sommes déjà dimanche, donc au bout d'un moment, il faut s'arrêter. Voici les roses blanches. Oh. Alors, nous allons parler d'un film que nous n'avons pas vu ensemble, mais que nous avons vu tous les deux, qui est un peu moins feel good. Ah. Qu'est-ce que ça peut être ? Il s'agit de La Main. Ah ! Oh putain ! Ah oui, effectivement. Oui, c'est pas la même ambiance, clairement. Ah oui. Ah oui, oui. Donc La Main est réalisé par Danny et Michael Philippou, sur une lettre près, sur un scénario de Bill Hinsman et Danny Philippou, et une idée de Daley Pearson. La photo est de Aaron McLeasley, la musique de Cornel Wilsek avec Sophia Wilde, Alexandra Jensen et Joe Bird. Je remets là en attendant. Ça nous raconte l'histoire d'un groupe d'adolescents qui trouve une main embaumée qui permet d'entrer en contact avec les esprits des morts et de se faire posséder par eux, mais il ne faut surtout pas dépasser 1 minute 30 sous peine de conséquences graves. Et Mia, une jeune femme qui a du mal à faire le deuil de sa mère, est tentée par l'expérience. Son amie Jade est plus dubitative, tandis que le frère de Jade, Riley, se laisse de plus en plus attirer. Je te laisse donner ton avis en premier. Mais c'est un excellent film d'horreur, vraiment, qui sort un peu de nulle part en plus, parce que, enfin, je sais pas toi, mais moi, quand il est sorti, j'en avais pas trop entendu parler avant. Moi, c'est sur un live d'Icemode que j'en ai entendu parler pour la première fois. Une production A24, qui du coup, avec le succès, embraye sur une suite. Alors, à ma connaissance, ils ont fait que le distribuer, celui-là, il était déjà produit. Ah, du coup, c'est le second qui est une production, alors. Ouais, c'est ça. C'est le second qui serait une production A24. Alors, je me demande où ils vont aller avec ça, mais... Bref, j'aurais préféré finalement que ça reste un standalone. Mais c'est excellent. Alors, malgré un concept... con comme la lune et qui comprend même pas comment des personnages peuvent se dire oui vas-y je vais tenir la main et puis une fois que tu découvres ce que ça fait quand tu tiens la main, je comprends pas comment des personnages peuvent vouloir revivre ça. Mais bon, bref, passons. C'est des adolescents qui sont perdus et c'est un peu l'un des thèmes principaux du film. Moi, pour le coup, justement, parce que c'est des adolescents paumés en soirée qui s'encouragent un peu les uns les autres, malgré le fait que ça ait des effets négatifs, je veux bien comprendre, parce qu'il y a quand même toute une métaphore de la drogue autour de la main, où ils se filment les uns les autres en train d'avoir des espèces de tripes en la touchant. Donc je comprends tout à fait. C'est con, mais pour le coup, je trouve que c'est con crédible de groupes d'adolescents qui testent ses limites. Il y a une métaphore de la drogue et aussi de la pression sociale. Oui, bah, ça va ensemble. Il y a quand même régulièrement la consommation de drogue sous la pression sociale. Oui. Mais c'est très malin, du coup, comment ça le traite. Ouais. Les effets visuels sont vraiment jolis, c'est-à-dire les morts qu'on aperçoit, vraiment, le maquillage est top, il est vraiment super bien fait. Et le film, quand il se lâche, est ultra gore. Mais vraiment quoi. Alors il le fait pas souvent, mais il le fait de manière tellement brutale que la scène, disons qu'il y a un personnage qui va dépasser la minute 30, évidemment, et pour le coup il prend ultra cher. C'est vraiment, il y a un plan, il essaie de s'arracher l'œil, il s'explose la tête contre une table, et il y a vraiment en plus des bruitages très très très très bourrins. Ça faisait pour le coup à la limite de détourner les yeux, ce qui m'arrive pas si souvent que ça en vrai, quand même devant le cinéma d'horreur. Mais alors là, qu'on peut faire un petit coucou à Saitama derrière. Ah oui, salut. C'est gentil de passer. Il te regarde genre... Talk to me. Ah mais ouais, c'est grosse réussite, La Main. Et justement, je trouve qu'il gagne à ne pas avoir tant de scènes horrifiques que ça, parce qu'elles sont d'autant plus marquantes quand elles arrivent. Oui, clairement. Les plans où on voit le royaume des morts qui torture un personnage aussi. Et ouais, il est vraiment cauchemardesque ce plan-là. Ah oui, comme toi. La violence est tellement brute, quoi, que pff, la scène est difficilement supportable. Hein. Surtout qu'elle vient après un moment assez léger où bah, ils s'éclataient tous avec la main en mode fun, en se filmant les uns les autres pour faire des snaps et compagnie. Et on était encore dans cette ambiance très légère en fait. On vient à la Mais partager leur espèce d'insouciance face à la main. Ça c'est aussi, c'est ça. bien géré. Et donc voilà, avec un pitch qui tient sur un timbre au poste, hein, faut le dire, les mecs arrivent à faire un film pff, qui t'accroche, quoi. Bah et puis T'es toute prêt au cette... trip. Ouais, vraiment, cette réflexion, cette métaphore de la drogue, et puis tout ce que ça dit sur le deuil aussi, est vraiment intéressant, je trouve. A priori, c'est des youtubeurs, les deux réalisateurs, les frères Philippou. Ah bon? Je sais pas, oui, je sais pas du tout ce qu'ils peuvent faire. J'ai pas du tout vérifié, je les connaissais pas. Mais, bah, s'ils continuent à faire des films et que ça reste de cette qualité, moi, je suis preneur. Je sais pas si c'est eux qui vont bosser sur le second film, du coup. Je crois que c'est eux, ouais. On a les infos déjà. Ce qui explique peut-être la distribution par A24, un film concept dans le genre. Effectivement, ça me paraît assez logique que ce soit eux qui aient récupéré. L'autre studio qui aurait pu le récupérer pour le distribuer, en fait, ça aurait été la Blumhouse. Et Le j'aurais mouse, été ouais. pas mal plus inquiet d'une suite chez Blumhouse. Oui. Ils auraient surfé là-dessus en faisant un truc à la va-vite. Ouais. Comme seul Blumhouse sait le faire. C'est ça, c'est un studio qui a pu sortir de très très bonnes choses et qui a quand même fait pas mal pour l'horreur, on va pas leur retirer ça, mais sur leur suite, ils sont très forts pour tirer sur la corde jusqu'à l'excès. Hein. C'est ça. Une suite est prévue pour 2025, mais sans plus de précision. Mais donc voilà, on vous conseille de le regarder en prévenant celui-là, son interdiction aux moins de 16 ans, il la mérite pour 2 minutes peut-être dans le film, vraiment violente, mais pour ces deux minutes-là, elle seule le mérite. Hein. Et donc je propose qu'on le classe. Le film est interdit au Koweït. Voilà, je te l'informe. D'accord. Il est interdit au Koweït, aux Émirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite. Alors est-ce que c'est pas pour des raisons du fait de montrer les morts? Je sais qu'il y a des pays qui ont des règles aussi autour de Alors ça. non, c'est parce qu'au casting, il y a un acteur transgenre. Voilà, je te l'annonce. D'accord, lequel? Ben, je ne sais pas, du coup. D'accord, je savais même pas. Limite surprenant qu'il soit autorisé en Chine du coup. Bah ben oui, c'est vrai ça. Après, c'est pas appuyé dans le film, donc. Oui, mais bon, dans l'ensemble, la Chine a tendance à quand même être très carrée sur ce genre de truc. Oh, t'es poli, donc. Oui, c'est ça, je trouvais pas d'autres termes. A tendance à être très une dictature dans ce genre de truc. Quand Très facho même là, dans ce t'es. genre de truc. Oh, ben, dis donc, arrête d'être poli. IMDB indique les frères Philippou, nous dit EKXV sur le 2, mais je ne D'accord. connais pas trop, donc c'est possible qu'ils aient juste mis ça en placeholder. IMDB, oui, des fois, ils mettent des conneries. Hein. Ouais. Mais j'avais cru entendre que c'était eux, effectivement. Et donc je l'ai classé, moi je l'ai mis en excellent. Ouais, moi aussi, ça va en excellent.